Lydie. Ôte-moi d'un doute, Lydie, dis-moi oui. Lydie m'a dit non, Lydie dit non. Lydie, avec Lydie est une île où je n'accosterai pas. Souvent Lydie dit non, Lydie dit non, souvent. Lydie vit pas en toi comme dans un livre. Lydie ne dit pas non, Lydie ne dit rien, Lydie dit rien. J'ai vu la Méditerranée jusqu'à la Lydie, Lydie, la Lydie est ta mère. Amère Lydie, la Lydie est de toi, j'aurais été fou allié. Dis Lydie, dis-moi Lydie, pourquoi les collines se sont endormies quand tu es rentré chez toi? Le ciel ici s'est livré à la nuit. Lydie, laisse flotter ta veste au-dessus de tes fesses. Laisse-moi cette gourmandise avant que tu volatilises, que ma vie redevienne grise. Lydie, oh que j'ai été mes espoirs, Halloween se sont brisés. Lydie, j'ai tellement cru que j'en deviens livide, et mon idée valide.